Les éditions de l'Avenir présentent Les Conjurés de l'Aspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 16. Chapitre 4. Si l'émir comptait la surprendre, il en fut pour ses frais. Tu en as mis du temps pour arriver. J'ai l'impression que tu vieillis. Le mulot castor, qui venait de se matérialiser au pied de la couchette, la regarda avec une expression rieuse, son unique incisive largement découverte. « Je constate que le fait d'avoir un croiseur de l'eau ému aux trousses ne t'enlève pas le sens de l'humour. » La jeune femme s'assit sur le bord de la couchette et lui sourit. « Pour répondre à ta question, c'est une situation toute nouvelle pour moi et, a priori, assez inconfortable. Mais j'y ai quand même pris un certain plaisir. Savoir que j'étais en train de ferrer celui qui croyait me manipuler m'a apporté un sentiment de satisfaction intense. En tout cas, je crois que tu as tout à fait convaincu Domati. Ta froideur, lorsque tu as fiamment sacrifié la vie des deux sentinelles, lui a ôté ses derniers soupçons. S'il avait su qu'il s'agissait d'androïdes, il a quand même pris le soin de fouiller dans ton sac lorsque tu t'es absenté. Je l'avais laissé dans ce but, mais ce qui est jouissif, c'est de voir comment Starnberg a sauté sur l'occasion de pirater cette nef, sans se douter que c'était justement ce que l'on attendait de lui. Le mulot castor leva la patte pour lui faire signe de se taire. Pendant quelques instants, il demeura la tête légèrement penchée, visiblement à l'écoute de quelque chose. Puis, il se redressa. Ton copain le pilote raconte au mécanicien que tu es mûr pour intégrer l'Aspar. Il est ravi d'apporter à son organisation un prototype de vaisseau volé à l'Empire. Il espère que cela aidera à leur avancement au sein de la société secrète. Il ne peut évidemment pas se douter que le navire avait été amené sur l'astéroïde uniquement pour qu'il pense faire d'une pierre deux coups. T'amener à ses supérieurs tout en raflant un astronef encore à l'état de modèle original. Finalement, l'histoire est un éternel recommencement. Et nous sommes en train de refaire ce que les Grecs ont déjà utilisé il y a 35 siècles. L'introduction du cheval de Troie dans la cité de l'ennemi. Je suppose que les trois membres d'équipage font partie de l'Aspar. Oui. Et il s'agit de personnes régulièrement employées depuis plusieurs années sur des bases de l'OMU. Quant au pilote, il n'a jamais été mis à pied. Nous avons apparemment affaire à des avants dormants placés à certains endroits stratégiques dans l'attente du réveil. Mais au sein de l'association secrète dont ils font partie, contrairement aux apparences, Arne Domati est le supérieur de Nero Starnberg. Je me doutais bien qu'il n'était pas qu'un simple pilote en rupture de banc, mais je suis quand même surprise. Par quoi ? Comment l'Aspar a-t-elle pu noyauter ainsi, jusqu'aux bases de l'OMU ? C'est un travail de longue haleine. Il faut d'abord repérer quelqu'un d'insatisfait ou d'aigri, et ensuite l'amener peu à peu à basculer dans le mauvais camp. Cela ne doit pas être aussi évident que ça. Détrompe-toi. Les êtres humains se laissent facilement séduire par les sirènes, surtout si elles sont accompagnées d'espèces sonnantes et trébuchantes. En tout cas, cela a dû être un choc pour le Lord Amiral lorsqu'il s'est aperçu qu'il y avait des traîtres dans son entourage. Ça ne lui a pas fait très plaisir, évidemment, mais il vit depuis si longtemps qu'il en a vu d'autres, et il n'a donc pas été surpris outre mesure. Il fallait bien que certaines des informations récoltées par les membres de l'Aspar proviennent de son propre bureau, en particulier l'arrivée du Zalitain Marcus Erlan, dont il n'avait évoqué la venue qu'avec Tiflor quelques jours auparavant. Et comme la taupe ne pouvait en aucun cas être le maréchal solaire, il fallait bien envisager la présence d'un micro dans le sein des saints. C'est Wuryu Sengu qui l'a découvert il y a quelques jours, astucieusement camouflé dans la toile du tableau que Léonard de Vinci avait offert à Atlan en 1516 en remerciement de l'aide qu'il avait apportée à François Ier à la bataille de Marignan. Tableau à qui notre ami avait fait traverser les siècles en le conservant dans sa base sous-marine et qu'il avait tenu à accrocher dans son bureau sur OMU 1. J'ignorais que mon cher patron avait participé à cette célèbre victoire. Eh oui, ma fère. Il avait suggéré quelques améliorations qui ont donné aux Français une artillerie supérieure à celle des Suisses et des Italiens. Si bien que, malgré leur infériorité numérique, les soldats du roi de France ont mis la pâtée à leurs ennemis. Merci pour ce cours d'histoire ancienne. Et l'explication de la présence de ce tableau, que j'avais effectivement remarqué, accroché derrière la table de travail d'Atlan. Au fait, connaît-on celui qui a réussi ce coup ? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un as, car il ne doit pas être facile de pénétrer incognito dans le bureau directorial. Non, pour l'instant, il est toujours inconnu, mais il ne les resserçait que discrètement, car il s'avit de ne pas lui mettre la puce à l'oreille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le micro n'a pas été enlevé, ce qui peut permettre de donner de fausses informations à l'adversaire. Je ne croyais pas trop au coup de poker d'Atlan concernant la présence d'un membre de la SPAR sur OMU-17. Je dois avouer qu'il avait vu juste avec le capitaine de sécurité. Tu sais, pouvoir disposer d'un cerveau second présente bien des avantages. Par déduction de ses « conversations » avec son secteur logique, il a pu déterminer qu'il devait vraisemblablement y avoir au moins un espion sur cette base. Bon nombre d'agents de l'OMU y résident, et parvenir à en retourner un pourrait présenter un sérieux avantage pour les dirigeants d'une organisation subversive. Notre comédie a donc porté ses fruits. Plus que tu ne crois. Depuis ton retour sur OMU-17, j'ai vécu en reclus dans une des pièces de l'appartement où loge Atlan quand il vient en visite. J'ai donc pu, grâce à toi, m'intéresser à Nero Starnberg et visiter les méandres de son cerveau. Hélas, ce n'est qu'un sous-fifre qui ne peut pas nous apprendre grand-chose sur ses patrons. Cependant, il connaît quelques membres disséminés d'un peu partout, ce qui nous permet pour l'instant de tenir ses gaillards à l'œil. Tant mieux. Au fait, comment êtes-vous installé ? Plutôt inconfortablement. L'intérieur de ton raidisseur de structure n'est pas très vaste. Aussi sommes-nous un peu à l'étroit. Rick et Ruth Blackbear restent stoïques, mais Steve est toujours en train de ronçonner. Ça ne m'étonne pas de lui, mais je ne savais pas que le Cherokee était avec vous. Je croyais que Cordon serait le quatrième mousquetaire. Depuis le crasse du cœur de Fomalo 2, il souffre parfois de violentes migraines, et Atlan a préféré qu'il s'abstienne. Kazom voulait se joindre à nous, mais avec sa corpulence, il aurait occupé tout notre espace vital. C'est pourquoi il a proposé de mettre ce casse-cou d'Indien à sa place. Cela forme une fameuse équipe, mais je viens de me rappeler que je ne t'ai pas encore remercié. Pourquoi ? Lorsqu'on a décollé, je suppose que le vaisseau de l'OMU n'était pas prévu au programme. Et si ces tirs nous ont seulement frôlés, c'est bien grâce à ton intervention. Oui, quand j'ai lu dans ton esprit ce qui arrivait, j'ai juste eu le temps de sauter à bord du Nimbus et d'ordonner à Carl Filbar, qui heureusement m'a tout de suite reconnu, de ne pas frapper au but et de garder ma visite et ma recommandation secrète. Puis, j'ai réintégré notre petit logement. Tu es sûr que personne ne peut nous surprendre ? Ne t'inquiète pas, je les surveille tous les trois. Et Ark s'est planqué derrière la porte de sa cabine, prêt à intervenir en cas de besoin. D'ailleurs, Dolanz a rejoint ses acolytes dans le poste central et ils discutent. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils ont évoqué l'assassinat de Jörg Dombar en se félicitant que cet acte ait été commis par ton frère, puisque cela t'a amené à affronter Atlan et à avoir été sanctionné par notre fer Arconide. Ce qui a motivé ta rébellion et devrait permettre de te faire adhérer aux idées de la SPAR. Ils seraient bien surpris d'apprendre que le prince Marsan n'existe pas. À présent, Domati est en train de leur expliquer que, pendant votre visite du navire, il a expédié un signal aux dirigeants de leur société secrète afin que ceux-ci envoient un vaisseau fantôme à notre rencontre. Vaisseau fantôme ? Je suppose qu'il s'agit d'une des nefs qui a arraisonné le Sirtaki à sa sortie de l'entre-espace. Si c'est le cas, il serait intéressant pour l'Empire et l'OMU de pouvoir mettre la main sur un système apparemment capable de repérer un navire pendant sa plongée dans la zone de libration. Doucement, l'émir, il ne faut pas courir deux lièvres à la fois. Le Lord Amiral nous a chargés de découvrir ceux qui se cachent derrière la SPAR. L'un n'empêche pas forcément l'autre. Il faut que tu restes à proximité. N'oublie pas qu'il y a des Antilles parmi nos ennemis. Si cela n'a pas d'importance pour Arx, qui est insensible à leur pouvoir, il n'en est pas forcément de même pour moi. Pour peu que certains d'entre eux aient développé des facultés particulières dans leur sanctuaire de Trakarak, or, ils vont certainement tenter de me sonder avant de se décider à me faire confiance. J'ai été plusieurs fois confronté aux disciples de Baalol, et je n'en ai jamais tiré le moindre plaisir. Rassure-toi, je n'ai pas l'intention de te laisser tomber. Et comme toi et ton copain, vous allez être forcément invités à monter à bord de ce vaisseau, sinon je ne vois pas pourquoi ils en enverraient un, il faudra bien que je vous suive avec mon commando. Le plus dur sera de trouver une planque discrète à l'intérieur. Vous pourriez peut-être vous séparer. Toi et Rick viendraient sur le vaisseau fantôme, tandis que Steve et Black Bear resteraient sur celui-ci. Impossible. Il n'y a aucune ouverture dans notre cylindre. La seule façon d'y entrer ou d'en sortir, c'est par téléportation. De cette manière, même si les gens de l'Aspar le passent au scanner, ils ne découvriront qu'une structure creuse. Lilt allait ajouter quelque chose quand il redressa soudain la tête. Il se concentra quelques instants avant de déclarer. Ils sont en train de quitter le poste de navigation pour venir te voir. Je me sauve. L'air brasilla et le mulot castor se fondit dans la cinquième dimension. Un petit sourire aux lèvres, Mazas s'allongea à nouveau sur sa couchette. Les mains croisées derrière la nuque, elle se remémora son entrevue secrète avec Atlan une quinzaine de jours auparavant, à bord du Memphis, et le plan qu'ils avaient échafaudé en compagnie de Tiflor, Mercant et Melbor Kazum. Le Lord Amiral avait fait part de ses réflexions à ses interlocuteurs et de la comédie qu'il comptait jouer à l'attention de leurs adversaires inconnus si la Cardassienne consentait à lui servir d'appât. La jeune femme avait aussitôt donné son accord et avait elle-même suggéré la participation de son frère, Rick Pavel. 3 jours plus tard, une information télévisuelle apprenait au monde l'assassinat d'un prince marchand, Yorg Dombar, très proche du chef de l'OMU. Depuis longtemps, les gens étaient intrigués par la mystérieuse et restreinte caste stellaire des princes marchands où l'argent avait remplacé la noblesse de naissance. Ici, cette dernière, en particulier sur les mondes habités par les Arcanides, avait tendance à regarder d'un air hautain ces faux aristocrates, elle n'en dépendait pas moins d'eux. En effet, un titre ronflant et ancestral ne suffisait pas toujours à tenir le rang auquel on estimait avoir droit. Ainsi, les princes marchands jouaient-ils auprès d'eux le rôle des banquiers lombards du Moyen Âge? Peu après, un mandat d'arrêt était lancé contre le meurtrier, Rick Pavel. Un coup bref résonna à la porte et celle-ci s'ouvrit sur le pilote et le radio. Je ne me souviens pas avoir dit d'entrée. Arrête un peu de jouer des mijaurés. Sinon, nous allons t'apprendre à vivre. D'une détente souple, elle sauta à bas de sa couchette. Et c'est toi qui comptes jouer les enseignants? De l'ange fit 2 pas en avant, mais Domati le retint par le bras. Laisse tomber. On est venu vous voir pour bavarder un peu et faire connaissance. Excusez-moi, mais je suis un peu à cran ces derniers temps. Les 2 hommes signifièrent d'un hochement de tête qu'ils la comprenaient et, invités par un geste de sa main, ils s'installèrent sur la chaise et le tabouret, qui constituaient une partie du mobilier succinct de la cabine. Le pilote esquissa un sourire, mais son regard dur démentait le ton plein de compassion qu'il employa pour répliquer « À cran, on le serait à moins. Mais je venais pour vous faire une proposition. » Laquelle ? Je peux vous faire rencontrer des gens haut placés qui pourront sans doute vous aider à retrouver votre frère. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et où donc se cachent ces personnes ? Pour l'instant, il vaut mieux que vous l'ignoriez. Un vaisseau nous attendra à notre sortie de l'entre-espace. Vous embarquerez dessus et il vous amènera à nos amis. Je n'ai pas pour habitude de m'engager à la légère. Et si vous ne m'en dites pas plus, je ne quitterai pas ce navire. Ne faites pas l'enfant ! Si vous voulez retrouver votre frère, vous savez parfaitement que vous n'avez pas le choix. Les maxillaires de la jeune femme se contractèrent et son œil se fit noir, mais elle n'ouvrit pas la bouche. Je constate que nous sommes d'accord, n'est-ce pas ? Goguenarda Domati, qui n'avait toujours pas digéré la façon dont elle l'avait remise en place lors de leur première rencontre. Elle se contenta de hocher la tête et attendit la suite. Nos amis disposent de très gros moyens et de très nombreux sympathisants. Il ne leur sera pas trop difficile de localiser votre frère. Qui sont ces mystérieux et tout-puissants amis ? Quand vous les rencontrerez, ils vous le diront, s'ils en ont envie. Avouez que vous ne le savez même pas vous-même. Le visage du pilote s'empourpra sous l'effet de la colère, mais la prudence l'incita à ne pas répondre à la provocation. N'espérez pas me faire parler en essayant de me faire perdre mon sang-froid. C'est de l'enfantillage. Et peu digne d'un agent de l'OMU. Six heures plus tard, les fugitifs quittaient la zone de libération. Ils s'étaient tous installés dans le poste de navigation et virent aussitôt apparaître un vaisseau sur les écrans de veille. Penché en avant, Mazas observa avec attention le bâtiment cylindrique avec lequel ils avaient rendez-vous. On dirait un navire des francs-passeurs, mais j'ignorais qu'il en existait d'aussi grand. Celui-ci fait au moins 500 mètres de long. Ça y ressemble, mais ce n'en est pas un. Elle fixa le pilote d'un air interrogateur, mais il ignora sa demande muette et n'ajouta rien. Pendant quelques minutes, ils se contentèrent de regarder l'approche du géant de l'espace. diplomatie avait coupé les blocs propulsion et le petit astronef continuait sur son air. Lorsque la distance les séparant se réduisit à une centaine de mètres, et alors que les écrans ne montraient plus qu'une surface grise arrondie où brillaient quelques hublots, le pilote se déharnacha et se tourna vers ses passagers. « Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage en commun. Je vais vous remettre entre les mains de nos amis. Ils pourront vous assister dans votre quête de la vérité au sujet de Rick Pavel. »« Bon, je suppose que je dois vous remercier pour votre aide. Cependant, j'aime bien pouvoir décider par moi-même. Et là, j'ai la sensation d'avoir été quelque peu manipulé. » »« Il y a du vrai. Mais sans nous, vous seriez toujours accroupi sur OMU-17. » Elle hocha la tête d'un air peu convaincu, se retenant de faire le moindre commentaire. Le tintement du visiophone encastré dans le moniteur de commande se fit entendre, et un visage apparut. Celui d'un aconide au visage dur et hautain. Ses lèvres minces s'entrouvrirent sur un sourire sans chaleur, tandis qu'il énonçait « Bienvenue, frère Domati. Je dois vous féliciter de la part du Triumvirat pour nous avoir ramené ce prototype de l'astromarine terranienne. » Merci, Seigneur Corlan, mais je n'ai fait que mon devoir. Acquiesçant d'un bref signe de tête, le natif du système bleu poursuivit. J'envoie une navette de récupérer vos passagers. Quant à vous, vous convoirez votre vaisseau jusqu'à base 2, où nos techniciens pourront l'étudier à loisir. Je vais vous adjoindre 8 hommes d'équipage pour vous seconder. Bien, Seigneur Corlan. L'écran redevint laiteux. C'était le grand Manitou. Le seigneur Corlan fait partie du conseil de... Tais-toi. Moins il en saura et mieux cela vaudra. Ce qu'elle doit savoir lui sera révélé à bord du vaisseau fantôme. Pourquoi vaisseau fantôme? Parce qu'il peut pister un astronef dans l'entre-espace et l'attendre à sa sortie. Waouh! C'est génial ce truc! C'est quelqu'un de votre organisation qui a découvert cela? Mais visiblement, Domati regrettait déjà d'avoir répondu un peu trop spontanément à la question innocemment posée par Mazas et, lèvres serrées et sourcils froncés, il se pencha sur les commandes de l'ouverture du sas. Un léger choc les informa de l'arrivée de la navette dans les soutes de leur vaisseau. Le pilote retira ses mains de la console et se laissa aller en arrière entre le dossier de son fauteuil en poussant un profond soupir. Puis, il tourna la tête en direction de la porte d'accès à la centrale. Quelques instants passèrent dans un silence pesant. Le battant s'écarta brutalement et la silhouette de deux lourds s'encadra dans le chambranle. Dans leurs énormes poignes, ils tenaient négligemment un fusil thermique. Sans saluer, ils s'adressèrent à Mazas et à l'Antilan. « Vous deux, suivez-nous !»« On ne vous a jamais appris la politesse ?» La réplique parut surprendre les colosses. Domati et ses collègues retinrent leur souffle. Un court moment, on aurait entendu voler une mouche. Puis, un véritable barrissement s'échappa des lèvres de celui qui avait parlé. « C'est moi qui vais t'apprendre la politesse, petite dinde !» Il s'avança de plusieurs pas. Souplement, la Karzassienne s'était levée, faisant face à la montagne de muscles menaçantes. Glissant sur ses pseudopodes, Arx fut soudain à ses côtés, un de ses tentacules crispé sur le manche de son sabre d'abattis. Le lourd stoppa sa progression, jeta un regard en arrière à son compatriote qui n'avait pas bougé, puis revint aux deux adversaires qu'il avait devant lui. Une tempête s'éleva sous son crâne épais, l'amenant à soupeser le pour et le contre. Obéir aux ordres qui étaient de ramener les invités, ou bien les massacrer pour passer ses nerfs. Il finit par esquisser un sourire qui n'avait rien d'amical. Bien! Est-ce que ces messieurs dames consentiraient à nous suivre? Je crois que je ne me suis pas fait un copain. Il faudra que je me méfie de lui à l'avenir. Puis, attrapant son sac et en le jetant sur son épaule, elle répondit « Avec plaisir !» Mazas s'approcha de son interlocuteur tout en restant sur le qui-vive. Mais sa méfiance n'était pas de mise car, sans plus s'occuper d'eux, les deux lourds firent demi-tour et repartirent de leur pas pesant. Mazas se retourna vers Domati et ses complices et leur adressa un petit signe d'adieu. « Merci pour la balade et bonne chance pour la suite !» Le pilote acquiesça d'un signe de tête. Ce furent les seules manifestations d'adieu. Leurs énormes guides les précédant, l'ex-mercenaire et l'octopode rejoignirent la soute où la navette des agents de l'Aspar les attendait. Un ara longiligne, au visage décharné et maladif, au teint blême et aux étranges yeux rubis, se tenait à l'entrée du sas. Lorsqu'il aperçut l'Antilan et sa ceinture guerrière, il l'apostropha. Pas question de monter à bord avec des armes. L'octopode tira à moitié la hache de l'abordage de sa ceinture et siffla d'un ton menaçant. Qui veut désarmer l'axe? Le médecin galactique eut un sursaut, jeta un regard interrogatif vers les deux lourds et, devant leur manque de réaction, capitula. D'accord, vous pouvez les garder. Le natif d'Antilla relâcha ses membres musculeux et hocha son énorme tête. Puis, il repoussa légèrement Lara pour pénétrer dans la navette, suivi de la Carzassienne. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 4 de Mazas Pavel, Les Conjurés de l'Aspar, par André Bory. Les interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Elzoa dans le rôle de l'Émir, Eric dans le rôle de Corlan, Christian Martin dans le rôle de Arx, Fred dans le rôle de Arne Domati, Jean-Seb dans le rôle de Josie Delange, Christian Martin dans le rôle de Lionel Taric, Gabriel Jean dans le rôle de Rolimon, Bruno dans le rôle de Lara Ennemi et Christian Martin à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attributions Non-Commercial No Derivatives et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.